Activité 3, page 27. Écoutez l'enregistrement et repérez sur le dessin qui prononce chaque phrase. 1. Il est marié. 2. Il est marié. 3. Il est marié.